Allez, on va chanter une dernière fois. Rien que les dames, ensemble nous faisons. Et l'écho nous répond à vous. Au son de l'accordéon, c'est la fête en Bavière, encore un peu plus fort. Et l'écho nous répond. Trinquons du monde en son ce soir sous les lampions. Allez! Voilà, merci, merci d'être là, merci c'est gentil de se retrouver comme ça le dimanche matin et le mardi matin pour la rediffusion le mardi matin de cette émission. Voilà, nous sommes ensemble pendant une heure et cette heure nous allons la consacrer à la bonne musique qui nous accompagne avec l'accordéon. Toujours et encore, Dimanche Musette, c'est sur le 91-102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Encore! cette émission, ce sont des extraits du Bol d'Or, de danse du Bol d'Or en 2021 que vous écoutez en ce moment sur le 91 MHz de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, avec Guido aux commandes, s'il vous plaît. Il faut savoir que cet enregistrement que vous écoutez aujourd'hui, eh bien, c'est aussi un hommage à Jean Ségurel. Jean Ségurel, grand accordéoniste de ces années que l'on se souvient. Enfin, pour certains d'entre nous et d'entre vous, bien évidemment. Pas pour tous, c'est vrai. En tout cas, c'est un beau voyage que nous faisons dans ce pays de l'accordéon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Jomaï, tu chantes avec nous, on compte sur toi. Dans un petit coin de Bruyère, Une étoile, elle est pour toujours. C'est l'étoile des Molières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Si tu passes par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les falaises, tu sentiras dans ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Allez David, allez Julien, dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. Allez Seb, c'est l'étoile des dièvres, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Combien de garçons, de filles se sont aimés sous ces cieux, quand sous l'étoile qui brille ils se cachent deux à deux. Adieu les soucis, les peines, viens danser si tu le veux. L'accordéon nous entraîne vers ce refrain merveilleux. Tous ensemble une dernière fois, dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des Molières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Chaque nuit elle est à celle, notre étoile des troubadours. L'étoile des troubadours, un incontournable du Musette. Eh oui, et en plus, quand il nous est chanté, eh bien, cette toile des troubadours nous fait un peu, beaucoup, passionnément rêver. Sur ce tempo, dans ce solo, oui c'est nouveau. danser solo. Oui, c'est nouveau. Tout le monde s'aligne, ça tourne en ligne. Et crescendo sur ce tempo. Danser solo, oui, c'est nouveau. La la la la, la la la la. À toi mes pays, mes montagnes, à toi j'ai donné mes amours. Chez toi j'ai trouvé ma compagne et les chansons des troubadours. Je revois dans le village bien des choses du temps passé. Le jour de notre mariage, célébré par le vieux curé. Quand je vois passer les nuages cachant un décor de ciel bleu, je leur confie un doux message, le message d'un amoureux. Car je sais que dans mes rêves, tu es toujours tout près de moi. Que dans mes nuits trop brèves, je te revois comme autrefois. Mon cœur pour toujours, car tu m'as donné ma compagne et les chansons des troubadours. Je revois mon doux village qui me sourit au temps passé. Le jour de notre mariage, célébré par le vieux curé. C'est ça, c'est la chanson française, c'est le musette français qui nous fait découvrir parfois des régions, parfois des chansons, parfois de la musique, enfin en tout cas la musique on la connaît puisque c'est de l'accordéon. C'est vrai qu'on retrouve toujours cet air qui nous passionne, mais en même temps c'est un grand voyage que nous faisons dans tout le pays de France. Eh oui, et le pays de France est assez vaste pour nous apporter certaines fois le bonheur de pas mal de nos régions. Belle cloche d'Auvergne, sonnez à travers les bois et vallons, la car les oiseaux qui chantent dans les vergues répondent en cœur à vos carillons. Ce soir c'est fête dans mon coin d'Auvergne, c'est l'Angélus du printemps. Sonnez, sonnez, c'est le moment de l'Angélus des 20 ans. Dans tous les villages de notre pays, sous les faits feuillages, elles sont si jolies. Nos vieilles églises, au pain clocher ou dans la brise, on entend sonner. Les villages de notre pays, sous les frais feuillages, elles sont si jolies. Nos vieilles églises, au pain clocher ou dans la brise, on entend sonner. Sonner, sonner, car ce soir au village, on va fêter la fin de la moisson. Et vous annoncerez le mariage de Jean Pierre et de la belle Lison. Vous sonnerez longtemps dans les bocages les noces des jeunes gens. Et bien plus tard, ils penseront toujours aux cloches d'antan. C'est fête dans mon coin d'Auvergne, c'est l'Angélus du printemps. Sonnez, sonnez, c'est le moment de l'Angélus des 20 ans. Dans cet hommage donné à Jean Ségurel, il y a eu également un hommage a été également donné à Robert Monédière, avec lequel nous allons passer quelques minutes avec également ses interprétations. Il faut savoir que Robert Monédière est décédé en 2006 à l'âge de 88 ans. Musette, oui croyez-moi, eh bien ça fait danser. Et ça vaut bien tout ce qu'on met dans nos têtes, ce qu'on nous répète à la télé. Un tango dans les bras d'une jolie fille et l'accordéon qui vient nous bercer. De mieux on n'a rien inventé, et puis en plus ça fait danser. We'll be right back. trois gars qui font de la bonne musique. Oui, croyez-moi, eh bien, ça fait danser. L'accordéon, c'est bien plus sympathique, moins synthétique que les synthés. On le fait là, un peu comme en famille. On est venu en ami gambillé. Le musette, c'est pas du chiquet. Et puis en plus, ça fait danser. Et oui, en plus, le musette, ça fait danser. Eh bien, puisque le musette, ça fait danser, on va continuer ces danses avec une belle valse. On est parti! Thank you. quand on croit que tout est fini, eh bien ça recommence. Sous un ciel tout bleu, le plus doux des amours. Sentier plein d'aubépines nous conduisant sur la colline. On sentait l'odeur du foin coupé dans le vent d'été qui nous envahissait. Attention! Là, il faut bien lever les gambettes pour pouvoir tout simplement danser cette musique qui est pour le moins un peu entraînante. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Savez-vous ce que c'est que ça? Amour rigolo qui vient de Rio de Janeiro. Là-bas, chaque enfant, bercé par sa maman, s'amuse à chanter après avoir pris sa tétée. Mama, oh mama, oh mama, mama. Mama, c'est bon, une choupetta, à la choupetta, à la choupetta. Ah, c'est bon, la chou, la chou, la choupetta. Une chanson, ce fut tel succès, le soir même tout le monde l'a dansé. En rentrant chez elle, toutes les demoiselles, très émoustillées, soupiraient sur leurs oreillers. Mama, oh mama, oh mama, mama. Mama, c'est bon, une choupetta, à la choupetta, à la choupetta. Ah, c'est bon, la chou, la chou, la choupetta. Au bal, au bal, au bal, au bal. passer à la télé, ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour la santé, même la sécurité sociale va pas tarder à te rembourser. les bonnes choses ont une fin, eh bien, cette émission, du moins cette première partie de l'émission de Dimanche Musette, se termine avec une très belle mélodie que je vous laisse écouter. Et on se retrouve tout de suite après pour débuter, eh bien, tout simplement, la deuxième partie qui est consacrée, elle, à la chanson française. Déjà, petite fille, elle était la plus belle. Au milieu des jonquilles, dans sa robe de dentelle, on l'avait baptisée Grâce Patricia Kelly, en l'église Saint-André, près de Philadelphie. De son père irlandais et de sa mère prussienne, elle avait hérité d'une beauté de reine. Le cinéma soudain, les dieux du septième art s'emparent de son destin pour en faire une star. Là-bas, sous le rocher des princes Grimaldi, il reste la beauté du yeux de Grace Kelly. Là-bas, sous le rocher des princes Grimaldi, il reste la beauté des yeux de Grace Kelly. Elle rencontre Régnier au festival de Cannes. Coup de foudre princier, il tombe sous son charme. Mariage d'amour et tête couronnée, ce fut le plus beau jour de la principauté. Son sourire de déesse à Conti Monaco, qui aime sa princesse bien au-delà des mots. Des artistes et chanteurs venus du monde entier partage son bonheur en Méditerranée. Là-bas, sous le rocher des princes Grimaldi, il reste la beauté des yeux de Grace Kelly. Là-bas, sous le rocher des princes Grimaldi, il reste la beauté des yeux de Grace Kelly. Petit moulin, il vivait une jeune meunière. Elle avait le sourire câlin, le teint rose et le cheveu de lin. Elle avait pour voisin de berger, et le soir au bord de la rivière, elle aimait les entendre chanter. Elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière, aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous, jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre, ou pour Jean. Voilà. Et on change de studio, comme aurait dit mon ami Michel. Et oui, on change de studio pour débuter cette deuxième partie de l'émission. Et on va la débuter tout de suite, avec une dédicace. Et cette dédicace, elle est pour Zoé. Et c'est de la part d'Emmanuel, sa marraine, et de sa mamie Maryse. On n'a pas tous les jours 20 ans. Il est vrai que cette chanson nous rappelle un souvenir de Berthe Silva, mais là, c'est la bande à Barbet qui va nous l'interpréter. Et c'est pas tout à fait la même chose. Bon anniversaire, Zoé. Et merci à Emmanuel et à Maryse de penser aussi bien de toi. les jours, 20 ans, ça nous arrive qu'une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, c'est pour ça faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Seulement, ce jour a passé hélas trop vite, c'est pour ça faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive qu'une fois seulement. Ce jour-là passé là trop vite, c'est pour ça faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on ira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Hélas trop vite, c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Restons dans les dédicaces, même si c'est quelquefois un peu, voire peut-être beaucoup, en tout cas bien plus pénible de penser à certains de nos disparus, il est tout de même bien de se souvenir d'eux. Et là, en l'occurrence, cette dédicace s'adresse à Steve. Steve, voilà 15 ans que tu nous as quittés. À jamais, tu resteras dans nos cœurs. Papa, maman et ton frère. Ta main de Grégoire pour ce souvenir que l'on se doit impérativement de garder. C'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre, on a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Je voulais te dire que j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami. Et ton frère, même si la vie a ses détours, c'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. J'espère au moins que tu m'attends. Des moments difficiles pour les familles, pour les proches, pour les frères et sœurs, bien sûr, lorsque ce malheur arrive. Malheureusement, c'est ainsi que la vie se déroule. C'est pourquoi cette pensée qu'il faut avoir également pour deux personnes que nous aimions, que nous aimons et qui nous ont quittés tout récemment. Yvette Perrotin, la présidente de l'association crématiste de Bellegarde, et Marie Rinaldi, habitante de la route de Vouvray. Peut-être tout le monde ne connaît-il pas ces personnes, mais c'était des personnes absolument formidables, qui en tout cas étaient à l'écoute de leur radio locale qu'elles aimaient tout particulièrement. À leurs proches, nos plus sincères pensées. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Il faut savoir. Très belle interprétation de Charles Aznavour. Toujours et encore dans ses interprétations qui lui sont aussi particulières, avec des mots choisis pour toute occasion. À demain sur la lune, au quatre coins des dieux. À demain sur la lune, à toi. Soleil. À demain Salvatore Adamo. À demain sur la Lune. Et on continue avec Salvatore Adamo. Que sont devenus mes amis ? Il n'y a pas si longtemps, je les retrouvais chaque soir, presque insolents. Du haut de nos 20 ans, nous nous racontions 1000 espoirs. Et puis le monde a changé, sous les ponts l'eau a coulé, emportant toutes nos belles idées. Et chacun de son côté, on a tout recommencé, et c'est la vie qui a gagné. Mais depuis que sont tous mes amis devenus, dans quel brouillard se sont-ils perdus? Où sont-ils donc? Que font-ils donc? Tous mes amis que je n'entends plus. Seulement vint le joli moment de te chercher, mon bel amour. J'ai connu des filles radieuses, amoureuses, oubliées dans les brumes du petit jour. Et ils étaient encore là pour rire et applaudir, ou simplement m'ouvrir les yeux. Et je ne comprends toujours pas où ils ont pu courir, se disperser sous d'autres cieux. À savoir que sont tous mes amis devenus, dans quel brouillard se sont-ils perdus? Où sont-ils donc? Que font-ils donc? Tous mes amis que je n'entends plus. Écoute-moi, toi qui dors près de moi, toi qui m'aimes et me comprends. Rassure-toi, je suis bien avec toi, mais je me laisse aller par instant. Moi je ne suis qu'un petit homme sous mon globe de verre, je peux plus sortir de mon histoire. J'ai usé toutes mes gommes, mais il n'y a rien à faire, je peux pas effacer ma mémoire. Alors suis-moi juste en fermant les yeux, je t'emmène au fil des années. J'entends déjà leurs pas, je les devine heureux de savoir que je t'ai trouvé. Et je reconnais leur voix, la douce, la ténue, la têtue, la désespérée. Ils sont là comme autrefois, je les sens autour de moi, rien de t'en parler. Car ce soir tous mes amis me sont revenus. La vie, le temps, rien ne compte plus. Pierre et Fringant, comme à 20 ans, tous mes amis me sont revenus. c'est un autre chanteur italo-belge que nous allons écouter. Il s'appelle Frank Michael et il vient de sortir un tout nouvel album. Un tout nouvel album, Je vous aime toutes. Voilà, qui quelque part me fait un peu concurrence parce que moi aussi je vous aime. Mais je vous aime toutes et tous. Voilà. Allez, avec Frank Michael, accroche tes rêves. Et avec toi, j'ai toujours 20 ans. Quand j'étais petit, je rêvais la nuit de quitter mon école, de voir des lagons fleurir l'horizon quand l'avion décolle. Et lorsque le jour m'éveillait, la voix qui console doucement me disait: accroche tes rêves à une étoile, ne la perds pas du cœur. Et comme le peintre avec sa toile invente des couleurs, accroche tes rêves à une étoile comme un marin qui part. Et sans savoir si sa voile le conduira quelque part. J'ai parfois douté, failli renoncer. Où se cachait ma chance, sans comprendre encore qu'on est bien plus fort, plus souvent qu'on ne pense. Et j'ai appris qu'il faut lutter, briser le silence et vivre pour chanter. Accroche tes rêves à une étoile, ne la perds pas du cœur. Et comme le peintre avec sa toile invente des couleurs, accroche tes rêves à une étoile comme un marin qui part. Et sans savoir si sa voile le conduira quelque part. C'est la chanson qui a exaucé mes voeux. Passeur d'émotions, semeur de fleurs bleues. Accroche tes rêves à une étoile, ne la perds pas du cœur. Fais comme le peintre avec sa toile, invente des couleurs. Accroche tes rêves à une étoile comme un conquistador. Fais confiance à sa voile pour trouver l'îlot trésor. Il peut remplir le sablier de larmes et de rêves oubliés. Mon amour, mon bel amour, l'horloge a beau compter les jours, elle tourne à blanc, avec toi j'ai 20 ans. Tous ces désirs qui renaissent dans mon âme, cet élixir de jeunesse qui m'enflamme. Si c'est une illusion, un tendre et doux miracle, qu'importe au fond, aimer n'a pas d'âge. Mon amour, mon bel amour, il n'y peut rien, le temps qui court, il peut remplir le sablier de larmes et de rêves oubliés. Mon amour, mon bel amour, l'horloge a beau compter les jours, elle tourne à blanc, avec toi j'ai 20 ans. Mon amour, mon bel amour, il n'y peut rien, le temps qui court, il peut remplir le sablier de larmes et de rêves oubliés. Mon amour, mon bel amour, l'horloge tournera toujours, mais maintenant, avec toi j'ai 20 ans. C'est son nouvel album, en tout cas c'est le titre de son nouvel album, Aimer. C'est la chanson que nous allons écouter et elle sera suivie d'un autre titre de ce même album, Demain est à nous. Serge Lama nous l'interprète. On aura beau s'évertuer à dégrader le verbe aimer, c'est par lui qu'on est pardonné. Aimer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est un tsunami dans un port, ça vous fait du sud en plein nord. Aimer, depuis des siècles et même plus, on en revient toujours déçu. On en revient toujours vaincu, aimer. On aura beau dire et beau faire, c'est comme le bruit de la mer, ça vous fait supporter l'hiver, aimer. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel. Ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, aimer. C'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer, c'est vivre deux vies à la fois, c'est manger l'âme avec les doigts. Aimer, aimer. Rien qu'à le chanter, ça me fait mal au présent, mal au passé, c'est difficile à effacer. Aimer, on croit qu'on va toucher le ciel, des paradis artificiels, mais il y a du poivre dans le miel. Aimer. Et je vous dis pas comme on gueule quand on croit voir partir la seule et les miroirs qui vous en veulent. Aimer, allez, allez, alléluia, c'est yes, c'est oui, c'est da, c'est ya, c'est monter mille Himalaya. aimé. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel. Ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, aimer. C'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer, c'est vivre deux vies à la fois, c'est manger l'âme avec les doigts. Aimer. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Pour le meilleur et le meilleur, pour les abeilles et pour les fleurs. Pour le meilleur et le meilleur, pour le bel astre et le bonheur. Pour le meilleur et le meilleur, pour le meilleur petite sœur. Pour ta belle âme et ta douceur, pour des étés lourds de chaleur. Demain est à nous. Demain est à nous. Jamais à genoux, les enfants sont debout. Pour le mélange des couleurs, pour le métissage des cœurs. Pour les voyages, les ailleurs, pour des autres parts de bonheur. Pour la vaillance des valeurs, pour les fragrances, les senteurs. La pluie qui efface les pleurs, pour le chant gai des pagayeurs. Demain est à nous. Demain est à nous. Plus jamais à genoux, les enfants sont debout. Ne va pas à rebrousse-fleurs, ne sois pas l'arme du malheur. Sois le semeur, sois le cueilleur, sois le rêveur, le réveilleur. Essayons main dans la main de devenir le genre humain, car demain est à nous. Demain est à nous. Demain est à nous. Plus jamais à genoux, les enfants sont debout. Demain est à nous. Demain est à nous. Plus jamais à genoux, les enfants sont debout. Demain. Sans toi et Souvenir d'amour. Deux interprétations de l'orchestre Alain Morisot et les suites People dans cette émission de chansons françaises sur le 91-102.5 Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Et aux commandes, c'est Guido. Et oui, comme tous les dimanches. Et le mardi. J'entends ton pas dans l'escalier. Ce n'est pas ça. J'ai essayé de t'oublier. Je ne peux pas. Sur le canapé, je m'endors entre tes bras. Pardon, j'ai dû rêver encore. Tu n'es pas là. J'ai débranché le téléphone. Je ne veux plus rien ni personne que toi. Tu es bien loin, mais je te sens si près de moi. Tu me parles tout doucement, j'entends ta voix. Ton sourire me vient chaque nuit. Dis-moi pourquoi tu restes l'amour de ma vie, quoi qu'il en soit. Je n'irai plus me perdre ailleurs, je n'ai pas le goût du bonheur sans toi. Sans toi, je ne vis pas vraiment. Je rêve et je t'attends. Sans toi, je suis seul sur la terre. Je t'aime où que tu sois, le restant m'indiffère. Tout s'arrête sans toi. Tu es dans toute la maison, toujours présent. Je t'imagine dans le salon à chaque instant. J'ai repris nos petits chemins et je nous vois. Nous marchons main dans la main encore une fois. Sous le soleil et dans la neige, je tourne en rond. Souvenir. Ne le connaissez-vous pas? Il s'appelle Albert Badin et il va nous interpréter une très très très belle chanson qui s'appelle « Si je me souviens ». Thank you. c'est comme ça. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Le cœur de chacun de vous est gravé dans le mien. C'est pourquoi que ce soir j'ai pleuré. Ma vie, je l'ai décrite sur une feuille de papier. Encore merci pour toutes ces belles années. Encore merci pour toutes ces belles années. Sans souci de bien, me parle demain, sans connaître le chemin. Si je te disais que je n'ai rien choisi, c'est le destin qui fait que je suis ce que je suis. Vas-y, speak. Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant, parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est facile de dire que je suis bien. Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est facile de dire que je suis bien. De dire que je suis bien. Malgré mon vieillage, je t'aime encore. Tu as pris mon plus bel âge, on s'est promis jusqu'à la mort. Alors ce soir, comme un enfant, en moi on te cédera. Je veux refaire ce voyage, car j'ai tant de goût de toi. Ce soir, fais-moi danser, fais-moi revivre cette amitié. Comme l'oiseau se sentir libre, je voudrais m'envoler. Je vois briller dans tes yeux le plus beau de mes souvenirs. Tu seras ma seule aventure. Notre amour se fais-moi revivre cette amitié. comme l'oiseau se sentir libre. Je voudrais m'envoler, je vois briller dans tes yeux le plus beau de mes souvenirs. Tu seras ma seule aventure, sur notre amour je te le jure. Tu seras ma seule aventure, sur notre amour je te le jure. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission de Dimanche Variété, et nous allons écouter deux interprétations d'un même auteur-compositeur-interprète. Il s'appelle Grand Guillaume, ou plutôt Guillaume Grand, et il va nous chanter Je sais et Toi et moi pour terminer cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à mardi pour la rediffusion de cette émission. Bye bye. Soir, un soir, boire un doux brouillard. Un aller simple pour un détour. Aller verse, verse l'amour. Distille de tes mains chaque jour. Comme on dérive sans attache, le port est loin. Mais tu es là, allez, viens danser avec moi. Tes yeux, ta bouche, à contre-jour. Tes cheveux fument, mon regard flou. Fumons dehors pour respirer. Laisse le bar te dévorer. Se tourner le dos pour mieux se perdre. Et face à face, faire la guerre. Se dire l'amour autour d'un verre. Allez, viens. Elle hurle. Elle danse, elle monte sur le bar et elle danse. Elle chante, elle vit sans mémoire qu'on vive. L'ennui, le souci d'y croire, je sais. Pourtant, c'est pas notre histoire. Qu'elle hurle, qu'elle danse, qu'elle monte sur le bar. Qu'elle danse, qu'elle chante, elle vit sans mémoire qu'on brûle. L'ennui, le souci d'y croire, je sais. Pourtant, c'est pas notre histoire. Tiens ton âme et ses déboires. Elle prend ta main, elle prend ce train en direction mille et une histoires. Encore une course à 100 à l'heure. L'asphalte ondulant de chaleur. Et moi je cours, je cours. Elle hurle, elle danse. Elle monte sur le bar, elle danse. Elle chante, elle vit sans mémoire qu'on vit. L'ennui, le souci d'y croire, je sais. Notre histoire. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Ici on vit caché, ici on vit damné. Ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici